Saxia fila tombe, fide bese ramase. Répondez à lever la voix, tambouye konye kala, a kamande yon belle reprise. C'est pour nous de jouer ça. Saxia fila tombe, fide bese ramase. C'était en samedi au soir, en dit ben moi, bon pied en moi. Moi à la dent bois d'ennemi. Si vous moi amisez moi, en radien amisez moi, en senti moi fatigué, en bâti moi les moi voyons des collages, en mamzal vini danser, à danser côté à moi, tout banaï qu'à danser, tout banaï qu'à arriver, tout banaï qu'à sauter, tout banaï qu'à boire, tout banaï qu'à machiner, saxi a fil à tomber, saxi a fil à tomber, moi t'es bien c'est ramassé, en même temps là moi vois ça, moi mettez moi qu'à chanter, moi mettez moi qu'à crier, saxi a fil à tomber. Les hommes qui mettent sexy, Marie Fabri va tomber. Sexy a fil à tomber, pas de laisser ramasser. Ah, répondez qu'à répondre ça, allez crier les tambouillés. Yo, pas moi, yon belle solo, c'est pour nous jouer ça. Sexy a fil à tomber, pas de laisser ramasser. Solo. Moi toujours que je...